Mr. Cool Man. Équipe vénère sur l'instru. Tu sais qui c'est, mes gars. MRS, c'est mon crew. Tu veux plus d'infos sur moi? On avance, toi t'as vu. C'est pour ceux qui ont cru, pour tous ceux qui ont trop bu, entraînant en plein regard. MRS c'est quoi? La JP, à toi l'Ochna. MRS c'est toi, c'est eux, mec, et puis c'est moi. MRS c'est pas des petites putes qui se prennent des doigts. MRS c'est là, sur le but dont on envoie. MRS blague pas, avec nous, entre les bras, on est comme des rats. Avec Rasta dans le cobra, MRS grave ça. Si tu kiffes, enlève les bras, dédicace à ma clique, ceux qui sont près de moi. Et puis dans tout ça, chacun nous mène son combat qui nous conduira. Loin du ciel, loin tout ça, MRS c'est ma clique, ma foi, mon équipe, ma voix. MRS ma team, du rap de colosse, y'a pas de victimes, que des molosses, une équipe qui trim, voilà mon assos. MRS dans la place pour envoyer la sauce. MRS ma team, du rap de colosse, y'a pas de victimes, que des molosses, une équipe qui trim, voilà mon assos. MRS dans la place pour envoyer la sauce. MRS c'est de la boucherie, apprécie la zig. Du rap obscur, allume ta bougie. Si tu fais longtemps slip, nous c'est les têtes qu'on vient faire bouger. Tourner comme un stick sur l'instru, pas prêt de se coucher. Vénère et mon équipe, du sang lourd, un flot d'enragé. Ici t'es pas au state, dans le hip hop on s'est engagé. Des pieds jusqu'à la quai pour faire du son, toujours opé. Un beat et on est cap, 16 mesures pour te choquer. Écoute comment ça claque, un 6 plus pour se chauffer. Un mic et on déboîte, dans le move on est entré. Pour faire péter les watts, écoute ce groove qu'on vient chanter. Tant mieux si tu nous capes, si tu approuves, je serai enchanté. Sinon c'est des coups de batte. MRS, équipe déjantée, on me casse 3 Cuba. C'est la méfa, c'est l'amitié, jamais de coups. Pour tous les gars sur qui je peux compter, paré au combat par les baltrins qui font chater. Cela je m'en bats. MRS ma team, du rap de colosse, il y a pas de victime, que des molosses, une équipe qui trim, voilà mon assos. MRS dans la place pour envoyer la sauce. MRS ma team, du rap de colosse, il y a pas de victime, que des molosses, une équipe qui trim, voilà mon assos. MRS dans la place pour envoyer la sauce. MRS sont dans la partie, pas ton parti. Une instru, une inspi, coup c'est parti. MRS respecte les bons, pas les putains. Nique sa mère au mic, j'en bute plus d'un. Posé au local comme des mafiosi. Check notre son, vénistérie comme des tifosi. Enterre ton rap, un vieux fossile. Test MRS, c'est pas facile. Dans la cabine, j'm'attraque au son, j'm'attrape pour mon MRS, j'm'étripe, j'partage mes tripes, mes humeurs malgré. Les douleurs en larmes, faut pas confondre les vrais, les faux, faut pas confondre. Si t'es trop soft, la life t'agresse. Le sort c'est gros comme une tigresse. T'anéantis comme MRS. Balablon, Emro, Bono, j'ai pêché Sissi. Oh Max et Hoche comme en Sicile. MRS ma team, du rap de colosse, il y a pas de victime, que des molosses, une équipe qui trim, voilà mon assos. MRS dans la place pour envoyer la sauce. MRS ma team, du rap de colosse, y'a pas de victime, que des molosses, une équipe qui trim, voilà mon assos. MRS dans la place pour envoyer la sauce. MRS dans la place pour envoyer la sauce. Emro, le balablan Vono. Mr. Cool Man. Aïe.